patiemment. Ah oui, ils attendent nous. On va se dépêcher de vous dire le programme de la journée pour pouvoir enchaîner avec le partage d'écoute de Will Guthrie incessamment sous peu. Tout à fait. Oui. Donc à midi, si vous voulez pas aller, on va parler vite. Si vous voulez pas aller au salon d'écoute, vous pouvez aller à la chasse aux œufs ici dans la maison communale. Il y a marqué que c'est suivi d'un brunch. Donc ça, j'imagine que c'est pour ceux qui ont été au partage d'écoute et ceux qui sont ou celles qui étaient à la chasse aux œufs. Tout à fait. À 15h, on aura Sébastien Roux au salon d'écoute. Donc Algorithmus. Tremens. Et à 17h, tout est mou dans ma tête. On avait reçu Aurélien Chapuis il y a quelques jours qui nous avait présenté ce projet qui était une collaboration. Là, en fait, il y a beaucoup de noms. Donc, ouais. Bon, peut-être on va couper. Mais en tout cas, avec l'ensemble Contre-Champ et un chœur inclusif. Super. À 19h, à pas louper, Juliette Fraser, qui a été aussi sur le plateau avec nous, qui nous a parlé de son interprétation de la pièce de Three Voices de Morton Feldman dans la grande salle. Et à 21h, pour finir en beauté le festival, Hélène Arbrault et Will Guthrie, Gong et Sinus. Et on va passer donc au partage d'écoute avec Will Guthrie. Archi long. Archi bien. Archi beau. Archi radio. Archi doux. Archi cool. La radio du festival Archipel. Archi chouette. En direct. De 10h à midi. Archi nul. Sur Archipel. Archi fort. Archi gros. .org. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même du souffle dans ce système. Et la ventilation aussi. La ventilation du théâtre qu'on ne peut pas vraiment gérer, je crois. La chasse au buzz et au souffle. Venez. Ben voilà, on vous attendait. We were just waiting for you. Non, c'est... Qu'est-ce qu'ils foutent ? On attend pour la radio, à cause de la radio. Apparemment, on s'attend tous parmi, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc eux, ils attendent nous. Nous, on a assez dépêché pour... Et en plus, on se fait accuser, c'est ça qui est incroyable. Et il y a aussi le concierge qui est en train de... Il y a le concierge qui... Voilà, on a l'impression, il y a le concierge qui nous regarde comme en voiture là, sur la porte. Ah, voilà. Ah voilà, je crois que c'est...